Quatrième partie, les expiantes, Justine. L'âpre vent d'automne soufflait sur les glacis des fortifications et sur les champs de blé gelé et sur la ville, manufacture tassée contre des forts, maison qui écoute les sifflets des usines ou les sonneries de clairons. Le soir tombait. Il faisait sombre déjà à l'intérieur des maisons. Cependant, quelques minutes plus tôt, au-dessus du lion sculpté dans le roc, une dernière lueur de couchant illuminait, du côté de la France, la citadelle de Belfort. Dans l'office d'un hôtel sans style et sans jardin, mais largement et solidement bâti, que louait le commandant de Rouennais, un vieux domestique familial, un legs du père, achevait de préparer l'argenterie que tout à l'heure il disposerait sur la table. Par-dessus son habit noir, il avait noué son tablier, et tout en inspectant d'un œil sévère les cuillères, les fourchettes et les couteaux disposés sur une console, il se penchait vers un petit groom en veste courte, tête blonde et rasée, qui l'écoutait avec tremblement. Dans un angle, une ordonnance, en manche de chemise et gilet jaune, fier de sa taille fine et de ses moustaches, dressait des fruits dans des compotiers et riait afin de vexer l'ancien chaque fois que celui-ci donnait un conseil à l'apprenti valet de chambre. « Tu comprends, » disait le bonhomme, « 25 personnes, c'est un grand dîner. Monsieur le baron reçoit ses supérieurs. Il faudra mettre des gants et ne pas les quitter. »« Oui, monsieur Francis. » »« Aujourd'hui et d'ici longtemps, tu ne passeras pas les plats, c'est entendu. Il faut une habitude. Tu enlèveras les assiettes, mais pour plus tard, regarde-moi faire. »« Oui, monsieur Francis. » »« C'est qu'il est ferme, monsieur le baron. » »« Oh là là, ferme, » interrompait l'ordonnance. « Ferme, le commandant. Il a peur de tout, même de nous. » « Pas de moi, » dit le vieux tranquillement. « Laisse-moi parler au petit. Tu n'es pas chargé de lui. » La porte donnant sur le palier s'ouvrit. L'ordonnance se détourna. « Tiens, voilà l'Allemande à présent. Ne laissez donc pas la porte ouverte. Vous me faites geler. » La femme qui entrait eut l'air de ne pas entendre. Elle soufflait et dénouait le fichu dont elle était enveloppée par-dessus son chapeau noir, sa tête congestionnée par le froid. Mais derrière elle, un jeune homme extrêmement mince et extrêmement pâle était entré. La nervosité dont il souffrait se traduisit par une grimace de tous les muscles du visage. Il répondit avec violence. « Taisez-vous, Moriot, ne l'insultez pas. Elle est 10 fois plus française que vous. Jamais, je vous l'ordonne, jamais. Ou bien je préviens le commandant. » Le soldat s'était remis à tapoter une couche de mousse qui devait garnir le fond d'un compotier. Il se tut, mais un mouvement de sourcil et le sourire gouailleur qui ne quitta pas ses moustaches, montrèrent le peu de cas qu'il faisait des menaces du jeune homme. Celui-ci, saisi par ce qu'on appelait chez lui une crise d'asthme, s'était jeté sur le bras de la vieille femme qu'il serrait violemment, et ayant toussé 3 ou 4 fois d'une toux sèche, il demeura hagard, hypnotisé par l'appréhension d'un mal qu'il sentait imminent et horrible, les paupières dilatées, la bouche ouverte, et ne buvant plus l'air, la poitrine battant à vide. La vieille femme, habituée, lui soutint la tête doucement entre ses deux mains, disant « Allons, mon petit Guy, ce n'est rien, cela va passer, calmez-vous. » Et en effet, cela passa. Un peu d'air entra en sifflant dans la poitrine. La peur quitta les yeux, les paupières s'allongèrent, les lèvres se rapprochèrent, un pâle sourire remercia. « Je suis mieux, c'est fini. Attendez encore. » En face, la porte du billard fut poussée au même moment, et dans la demi-clarté de lumières éloignées, la silhouette d'une femme s'encadra, élégante, penchée, jeune encore de lignes et de mouvements. « C'est vous, Madame Justine ? C'est toi, Guy ? J'étais inquiète. »« Pourquoi si tard ?» demanda Madame de Rouennais. Elle ne voulait pas dire que son inquiétude venait d'autre chose que du retard, qu'elle avait entendu l'atout, qu'elle était accourue. « Où avez-vous été vous promener ? » reprit-elle. « Sur le glacis du fort des Barres, comme d'habitude, » répondit la vieille femme. « Il faisait presque chaud, il y avait du soleil, et puis tout à coup, le vent d'est s'est levé. Nous sommes revenus vite, peut-être trop vite. » Madame de Rouennais ne prêtait aucune attention à la réponse. Questions, réponses, attitudes, tout faisait partie de la tragédie maternelle que chacun tâchait de jouer de son mieux. Elle vit que son fils se tenait seul à présent au milieu de l'office, entre la promeneuse et le maître d'hôtel, qu'il respirait, qu'il souffrait encore, qu'il hésitait à s'approcher d'elle à cause de ce sifflement des bronches qui persistait. « Tu feras bien de monter dans ta chambre, Guy, et de te chauffer. Ben, mon ami, venez-vous, Madame Justine, j'ai à vous parler. » Les deux femmes se retrouvèrent à l'extrémité de la salle de billard, l'une en toilette décolletée, soie mauve et guipure, l'autre vêtue de noir, sans élégance et sans archaïsme, comme les vieilles dames de fortune modeste qui ne sont jamais ni tout près ni très loin de la mode. « Madame Justine, » dit madame de Roynet, penchant sur son épaule sa jolie tête de blonde grisonnante, bandeau ondulé, joue encore ferme et jeunesse des yeux bleus. « Madame Justine, je n'ai pas fait mettre le couvert de Guy à la grande table ce soir. » Elle sous-entendait, ni le vôtre non plus. Madame Justine comprit, et faisant une moue triste, « Il en aura un peu de chagrin, le pauvre enfant. Il me disait tout à l'heure qu'il se réjouissait. Pour moi, ça m'est parfaitement indifférent, madame. Même, je préfère. Où dînerons-nous ? L'office est impossible. Dans la lingerie ? Seulement pour le service. Francis ne peut pas quitter la table. L'ordonnance non plus. Mathilde. Ce n'est que cela, madame. Vous n'avez personne pour nous servir ? Mais non. Je me servirai moi-même, et je servirai monsieur Guy. Nous avions l'habitude au couvent. Je dînais tous les jours avec notre cuisinière, et je l'aimais bien. C'était sœur Léonide. » Madame de Roynet le releva la tête et regarda fixement les bougies d'une applique. On eût dit qu'elle voulait sécher à leur flamme une larme qui était montée à ses paupières et qui ne coula pas. « Je vous remercie, » dit-elle, « de m'aider comme vous faites. La vie est souvent si difficile. » Et reprenant sa tournée d'inspection, saisissant à pleine main la traîne de sa robe, redressant et cambrant sa taille de jeune fille, elle passa dans la salle à manger. Madame Justine était déjà sortie par l'autre porte. À la même heure, au café du cercle militaire, un officier de race évidente, nerveux, serré dans son dolman et dont la tête ronde, aux cheveux soufflés sur les tempes, les yeux gris, le nez courbé, les lèvres sèches, les joues sans un atome de graisse, rappelait des masques de guerriers italiens, ciselés au pommeau d'une épée, se levait de la place où il venait de parcourir les journaux du soir et traversait la salle. Arrivé à quelques pas de la porte, sur un signe, il tourna vivement à gauche, s'approcha d'une table où un autre officier supérieur était assis et, saluant, « Mon colonel !» Celui auquel il s'adressait continua d'enfoncer, avec une cuillère, la tranche de citron qui nageait à la surface d'un verre de grog. C'était un homme de haute taille également, aux traits plus droits et plus épais, aux yeux noirs qui regardaient fixement et appuyaient tous les mots qu'il disait, mais qui ne parlait jamais seul ni autrement que les lèvres. Un autre type d'officier, brave certainement, plus fermé. « Je serais enchanté de me retrouver tout à l'heure chez vous, monsieur. Mon colonel, madame la baronne de Roynet est en bonne santé, je suppose. Je l'ai aperçue cet après-midi. Et votre fils ?» Le commandant fit un geste évasif. « Oh, lui !»« À propos, je voulais vous demander, est-ce que vous avez toujours chez vous cette personne, cette promeneuse ?»« Mon colonel, elle est promeneuse. Vous voulez parler de madame Justine ?»« Précisément. C'est une ancienne religieuse, m'a-t-on dit ?» Une petite secousse nerveuse agitant tout le corps, un mouvement de la tête qui se rejette en arrière, comme touché au fleuret, et le commandant répond « Oui, mon colonel. Une ancienne supérieure ?» Laïcisée. Évidemment. Et elle instruit vos enfants? Non, mon colonel. J'ai eu l'honneur de vous le dire, elle promène Guy, dont la santé laisse beaucoup à désirer. Madame de Roynet lui confie quelquefois la petite. Et elle l'instruit en la promenance, la va de soi. Le commandant avait rougi. Tous les muscles de son visage s'étaient raidis et dessinaient plus étroitement le masque légendaire des Roynet. Si je savais qu'elle les instruisait, mon colonel. Il s'arrêta. Il sentit qu'il était sur une pente, qu'il allait désavouer sa femme, sa foi cachée, son propre exemple, sa race. Tous les Rouennais du passé lui soufflèrent à l'oreille. « Que vas-tu dire, là ?» Il se ressaisit et dit « Si elle les instruisait, mon colonel, je vous le dirai. »« C'est bien, monsieur. D'ailleurs, si je vous en parle, c'est dans votre intérêt. Vous êtes ambitieux, très justement. Vous devez être averti de ce qui pourrait vous nuire. » Les deux officiers se saluèrent. En rentrant chez lui, 10 minutes plus tard, M. de Roynet croisa sa femme qui traversait le vestibule. « Je voudrais vous demander une chose, Marie. »« Quoi ? Je suis très pressé. J'espère que vous n'avez pas fait mettre à la grande table le couvert de Madame Justine. Il y a des différences d'éducation, de situation, de tenue qui ne permettent guère. » Il déjeunait et dînait quotidiennement à la même table que l'ancienne supérieure de l'école. Madame de Roynet le laissa continuer. « Elle-même se trouverait gênée s'il en était autrement. Madame de Rouanet eut un sourire vague qui jugeait bien des choses. « Je n'ai pas voulu imposer à Guy la fatigue d'un grand dîner, » répondit-elle. « Il ne paraîtra pas, ni Madame Justine non plus. Tout est arrangé, ne craignez rien. » Madame Justine, dans la maison, n'était que tolérée, et elle ne l'ignorait pas. Des faits nombreux, des mots, des silences le lui avaient appris dès les premières semaines de son arrivée qui datait du milieu d'août. Après 3 semaines, passées à Lyon, en sollicitation vaine, elle avait dû renoncer à diriger une des écoles que les catholiques cherchaient à relever sur les ruines des écoles détruites. On la trouvait trop vieille. Les places d'ailleurs étaient bien moins nombreuses que ne l'étaient les religieuses chassées des écoles ou des communautés et cherchant à vivre. Des 5 femmes qui avaient habité ensemble la maison de la place Saint-Pontique à Lyon, une seule était redevenue éducatrice, la tourière, sœur Léonide. La supérieure, ayant dépensé les 40 francs qui formaient toute sa retraite de sœur de Saint-Hildegarde, avait accepté le poste de gouvernante et dame de compagnie chez Madame de Rouanet. En réalité, elle était promeneuse et garde-malade. Son rôle, elle ne le jugeait ni indigne d'elle, ni trop assujettissant, consistait à sortir dès qu'il faisait beau, avec l'adolescent incurablement atteint par la phtisie, être douloureux corps et âme, qu'il fallait à la fois soigner et consoler. Causer peu avec lui et cependant le distraire, varier les promenades, éviter les rencontres qui obligent à parler et qui provoquent l'atout, savoir s'arrêter à temps et choisir le banc le moins exposé au vent, pressentir la minute où il faudra repartir, ne pas oublier le plaid ni les caoutchoucs, ne jamais laisser voir l'inquiétude ni même la trop vive piété quand la crise éclatait, ne pas craindre la contagion, faire croire au condamné qu'il verra le printemps, puis l'été, puis l'année suivante, et d'autres, et d'autres. Le programme était trop chargé, sembla-t-il, pour qu'une autre, qu'une mère, pût le remplir. Madame de Rouanet avait essayé, mais elle avait une tendresse trop inquiète. Elle était trop peu maîtresse de son chagrin, de ses larmes, de ses joies subites, et trop prisonnière aussi de ses obligations mondaines. Elle se devait au monde, à la carrière, à l'avancement de Monsieur de Rouanet, à sa fille que les médecins conseillaient de ne pas laisser constamment auprès de Guy. Après elle, 10 domestiques avaient renoncé, successivement, à cette tâche difficile et épuisante, qui occupait non seulement le temps de la promenade, mais tout le jour, et souvent bien des heures de veille. On avait appelé Madame Justine. Elle résistait à la fatigue. Elle avait la patience et l'autorité qu'il fallait. Elle réussissait à se faire aimer de cet enfant ombrageux et aigri. Elle y réussissait même trop bien. Car elle devenait l'irremplaçable, l'unique ressource, et le malade s'inquiétait et s'exaspérait dès qu'il savait que Madame Justine était sortie, qu'elle ne répondrait pas à son appel en cas de crise, et qu'il serait seul, comme il disait cruellement. Le chef, la femme de chambre, ne manquait pas une occasion de faire sentir à Madame Justine la situation intermédiaire et fausse qu'avait dans la maison cette vieille femme, supérieure par l'esprit, moyenne par la culture, tout à fait du peuple par l'éducation première, et qui n'était pas une dame, et qu'on devait appeler madame, et qui disait simplement monsieur à celui qu'ils appelaient monsieur le baron. L'ordonnance, soldat peu sûr, serviteur peu scrupuleux, et qui se défiait de la clairvoyance de la promeneuse, répandait le bruit absurde, mais qui rencontrait des crédulités dans les casernes, que le commandant confiait ses enfants à une espionne allemande. Madame de Rouanet la défendait sans doute, et plusieurs fois déjà elle avait dû s'opposer au renvoi de l'ancienne religieuse, depuis que l'on disait, dans le monde militaire de Belfort, « Vous savez, cette Justine qui est chez les Rouanais, eh bien c'est une sécularisée, une sœur de Saint-Hildegarde. » Mais elle luttait contre tant d'autres lâchetés. Elle était si profondément atteinte par la claire vue du mal qui ne lâcherait pas l'enfant, et par le perpétuel souci d'une fortune compromise, qu'elle n'eût pas été de force à protéger contre un renvoi la garde malade de son fils. Le seul défenseur véritable de Madame Justine, c'était Guy, presque chaque jour, dans les réunions de famille, au salon ou à table, Guy se levait subitement. Il étouffait, son visage s'angoissait, sa poitrine se levait, ses doigts s'écartaient au bout de ses bras tendus. L'enfant était prêt de défaillir. Le père se détournait, ne pouvant supporter ce spectacle. Ou bien il sortait en faisant claquer les portes. Ou bien, saisi lui-même, d'une espèce de crise nerveuse et d'une sorte de colère de désespoir, il criait de sa voix de commandement « Encore ? Tu sais bien que je ne veux pas. Arrête-toi tout de suite, où va-t'en ? » La mère accourait, l'enfant cherchait Madame Justine, et dès qu'elle paraissait, il se jetait vers elle, il appuyait sa tête en sueur contre la robe noire, et la toux qu'il avait essayé de vaincre le secouait, tandis qu'il s'éloignait, soutenu, guidé, fermant les yeux. Monsieur de Roynay, à mesure que les semaines s'écoulaient, comprenait mieux qu'il lui serait impossible de remplacer Madame Justine, que la santé de Guy permettait de moins en moins d'y songer, que l'enfant ne supporterait pas cette séparation, et cela encore l'irritait comme un obstacle que sa propre raison et son amour paternel mettaient à son ambition. Madame Justine eût vécu tranquille parmi ces contradictions si les soucis ne lui fussent venus d'ailleurs. Dans les moments de loisir, incertains et courts, que lui laissait le malade, retirée dans la petite chambre où elle habitait, elle écrivait à ses filles. Elle souffrait de leurs traverses et de leurs difficultés, et sa pensée, plusieurs fois par jour, visitait les quatre coins de France où vivaient, si loin l'une de l'autre, et dans des conditions différentes, celles qui lui manquaient toutes. Ma sœur Danielle, ma sœur Edwige, ma sœur Léonide, ma sœur Pascale. Cette dernière seule l'inquiétait. Aux premières lettres, en août et en septembre, Pascale avait répondu brièvement. Elle était bien accueillie à Nîmes. On la traitait avec une affection dont elle était touchée et gênée, disait-elle, car on lui donnait peu de travail à faire à la maison, et trop souvent, la sachant souffrante, Jules Prayou, pour la distraire, essayait de l'emmener dans les parties de promenade, aux courses de taureaux, au théâtre même. Elle résistait, le plus souvent, ne voulant pas être une occasion de dépenses excessives, pour des parents qui n'étaient pas aussi riches qu'elle l'avait cru, et qui dépensaient pour elle sans compter. « Croiriez-vous, notre mère, avait-elle écrit, qu'à la foire de Beaucaire, qui est le 22 juillet, j'eus la déboursé, pour moi qui n'ai pas un sou vaillant, plus de 30 francs, voyage, cadeau, plaisir, et que je n'ai pu l'en empêcher. Plus récemment, Arles, il a fait de même. Personne dans la ville ne sait ce que j'ai été autrefois. On croit que je me soigne, et je me soigne en effet. Le grand chaud, et plus encore le repos, commencent à guérir ma poitrine. Il paraît que la peau de mes joues a bruni. Mais malgré le soleil, mes cheveux repoussent aussi blonds qu'avant. Je suis un peu regardé, à cause de sans doute, et bien des idées me reviennent, que je ne connaissais plus à l'école, où il n'y avait pas même un miroir pour nous cinq. Priez pour moi. Ce qui est le plus faible, ce n'est pas ma poitrine que je soigne, c'est le cœur qui est dedans, et que vous ne soignez plus. » Sœur Justine avait recommandé la prudence et même la défiance. Elle s'était montrée plus affectueuse encore que de coutume dans ses réponses. Mais la dernière lettre de Pascal était de la fin de septembre. Depuis lors, aucune nouvelle n'était venue de Nîmes. On était au 15 octobre, pas un mot de réponse. Madame Daniel, Madame Edwige écrivaient. Elle ne nous répond pas plus qu'à vous. Que devenait cette enfant si lointaine? C'était là une angoisse qu'on ne pouvait dire. Elle l'assaillait, Madame Justine, dans les longs silences des promenades sur le glacis ou sur les routes. L'esprit de l'ancienne supérieure s'emplissait de regrets et de projets. Il ne lui laissait pas plus de trêve que jadis les enfants et les pauvres du quartier lyonnais. Mais comme eux, il la rappelait au sentiment de sa charge. Quelquefois, en effet, quand il voyait devant elle ces campagnes nues, aux larges ondulations fuyant vers la frontière, le souvenir du pays natal lui revenait, dans la marée du vent qui passait le détroit. « À quelques lieues d'ici, j'ai encore des parents. Ils me recevraient. Ils me l'ont écrit. J'ai ma sœur, la femme du vigneron, qui a un clos fameux près de Saint-Léonard. J'ai mon frère, qui habite dans son bien, aux portes de Colmar, où j'ai été élevé. Pour rentrer, je n'aurai qu'une demande à faire au Kreis Director. Ils me l'ont dit, et je n'aurai plus qu'à vieillir et à mourir en paix. » Elle n'achevait jamais cette pensée, elle ne l'approuvait jamais. Une voix se levait contre, une voix sûre d'être écoutée. « Tu resteras dans l'épreuve de France, parce qu'elle est tienne, et que tes filles y sont restées. »